On parle accueil et hébergement avec l'invité de la rédaction, avec l'atelier Logement Solidaire. Et le président de cette association, Emmanuel Bouillet, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous fêtez les 10 ans de l'atelier Logement Solidaire avec un après-midi d'échange en posant une question. Quel accueil pour l'étranger aujourd'hui ? Alors en fait, votre association a 12 ans, mais vous n'aviez pas pu fêter votre anniversaire en raison de la crise sanitaire, vous n'êtes pas les seuls. Donc c'est un petit peu décalé, mais l'essentiel est là. C'est quoi aujourd'hui le rôle de l'atelier Logement Solidaire depuis 2010 ? Alors depuis 2010, en fait, on s'est créé pour monter un projet qui s'appelle Alternative Hôtel. Et à l'époque, c'était novateur puisque on s'intéressait aux familles en fait qui étaient un peu délaissées par le système. C'était les familles déboutées du droit d'asile avec enfants mineurs. Et moi, à l'époque, j'étais président de la CIMAD et on aidait ces personnes-là dans leur démarche de régularisation. La CIMAD, qui est une association aussi qui vient en aide, très connue, effectivement. Exactement, voilà, d'aide juridique. Et voilà, on voyait que les familles qu'on suivait, elles étaient ballottées d'hôtel en hôtel, CHRS, la rue, etc. Et donc, du coup, on n'arrivait pas à les suivre et elles restaient dans la précarité. Donc, quand les gens ne sortent pas de la précarité et que d'autres arrivent, ça crée un désordre social, on va dire. Alors, c'est quoi cette aide alternative que vous avez? Alors l'idée, elle était assez simple, c'est de dire, il y a une association, on constitue une association qui loue des appartements et puis des travailleurs sociaux et des bénévoles qui, autour de ces familles, les aident à s'insérer, les aident à se reconstruire et puis à s'engager dans une démarche de régularisation. Parce que bon, quand on a le ventre vide, le ciel au-dessus de la tête, c'est difficile de penser à des démarches administratives. Donc il faut d'abord répondre aux besoins fondamentaux pour être disponible, on va dire matériellement et intellectuellement, pour s'attaquer à la longue marche tortueuse et sinueuse de la régularisation. Et vous venez en aide à beaucoup de réfugiés ? Alors, sur le atelier Logement Solidaire, donc avec le dispositif Alternative Hôtel, depuis sa création, on a hébergé une soixantaine de familles, donc ça fait à peu près 250 personnes. Et il y a 30 familles à peu près qui sont sorties du dispositif, donc qui sont sorties de la précarité grâce à ce système-là. Ce qui fait 50% de réussite, ce qui est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est sûr que c'est pas extraordinaire comme chiffre, mais pour le domaine, on va dire, pour le public visé, qui était normalement considéré comme perdu, on va dire, entre guillemets, ou en tout cas qui a vocation à repartir, on voit que non, il y a encore des solutions et qu'il y a, voilà, ils ont toute leur place. Ils ont toute légitimité à choisir leur vie, à développer leur personnalité, voilà, et à vivre dignement et décemment. Alors le titre, le thème de votre colloque, c'est « Quel accueil pour l'étranger aujourd'hui ?» Vous êtes en plein dans l'actualité parce que aujourd'hui, du coup, l'Ukraine a remis la question des étrangers sur le devant de la scène. Et oui, ça c'était un peu un coup du sort parce que on n'avait pas du tout imaginé d'être aussi collant à l'actualité. Parce que quand on a choisi ce thème-là, évidemment pour nous c'est une des valeurs fondamentales de notre action. Et on se sent toujours un peu en tension dans cette société parce qu'il y a depuis plusieurs décennies maintenant les lois sont de plus en plus restrictives. Jusqu'à maintenant, un candidat à la présidentielle qui ose fonder son action sur une fake news, en fait, sur un truc faux, le grand remplacement, ça n'existe pas. Donc Éric Zemmour. Voilà. Je le cite. Voilà. Pour que ce soit clair. Je veux dire, on est quand même dans cette culture-là, et on se disait, mais bon, voilà, nous, faut qu'on défende notre valeur, mais c'est vrai que c'est très en tension dans notre société. Et là, retournement de situation, on voit que voilà, il y a des gens qui nous ressemblent, qui ont besoin de notre aide, et ça mobilise ça mobilise la population, et c'est très bien. Alors, il y avait déjà des mobilisations pour les Syriens, en fait, mais les pouvoirs publics n'avaient pas forcément répondu à la hauteur de l'engouement populaire. Et moi, je me souviens d'avoir vu des citoyens, des mairies prêtes à organiser les choses pour l'accueil des Syriens, et finalement, ça avait fait flop parce que l'État français n'avait pas suivi. En fait, il y a déjà un élan de solidarité, mais ensuite, c'est à l'État d'être l'instrument de la volonté populaire, en fait. Est-ce que le risque n'est pas que ça retombe après, parce que là, vous avez dit, ce sont des gens qui nous ressemblent, c'est à côté de chez nous, c'est de l'Ukraine. Voilà, ça durera peut-être le temps de la guerre, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais après Je pense que l'accueil ou l'hospitalité fait partie de notre culture, fondamentalement. Bon, il y a plusieurs sources, bien sûr, mais et je pense que ça répond toujours aussi à des mémoires. C'est-à-dire que le peuple français a eu besoin aussi d'être accueilli à un moment donné, ne serait-ce que là, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des grands mouvements à l'intérieur de notre pays. Et notamment, d'ailleurs, la CIMAT s'était fondée sur un déplacement de population comme ça. Donc, je pense que peut-être que l'engouement va peut-être se retomber, mais ça va aussi correspondre à une structuration plus importante avec les organisations, avec l'État, les collectivités territoriales. Peut-être que ça fera moins le buzz, mais dans notre société, ce sera structuré et ça existera fondamentalement. Je pense que ça va changer les choses, ça change les mentalités. On voit déjà Robert Ménard qui a fait son mea culpa sur pour moi, c'est un signe culturel très très fort de la puissance de cet événement. Effectivement, pour transformer les choses, on voit que c'est souvent l'expérience qui fait changer les mentalités. Emmanuel Bouillet, président de l'association Atelier Logement Solidaire, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle donc votre colloque, journée d'échange de 14 à 20 heures, salle Georges Conchon à Clermont-Ferrand cet après-midi. Donc c'est en face de France Bleu Pays d'Auvergne. Merci beaucoup.